Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de Le Haut-Saint-François dans le Progrès de l'Est. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai dans cette rubrique ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 22 septembre 1883, nous informe de l'arrivée du nouveau curé à Chartierville. Chartierville. Monsieur l'abbé Lebel, le nouveau curé de Chartierville, a pris possession de sa nouvelle cure la semaine dernière.